j'ai de la litière pour mon chat. Oui, mais toi, tu n'es plus là. J'ai de la litière pour mon chat. J'ai de la litière pour Pito. Mais toi, tu es parti trop tôt. J'ai de la litière pour Pito. J'avoue que tu me manques et que j'aimerais placer ton téton dans ma bouche. J'aimerais composer des rimes plus fines, mais je n'ai pas de talent, Apolline. J'ai de la litière pour mon chat. Oui, mais toi, tu n'es plus là. J'ai de la litière pour mon chat. J'ai retrouvé l'inspiration. Même Pito caresse ma grosse barbe avec son front. Un McDonald's check, ça paye pas de mine. Mais tu es si belle, Apolline. J'ai de la litière pour mon chat. Oui, mais toi, tu n'es plus là. J'ai de la litière pour mon chat.